Chapitre 15, la confiance et le contrôle. 12 janvier, 15 mars 2004. Harry reprit rapidement le rythme après son retour de lune de miel. Finalement, la vie n'avait pas tellement changé. Ginny se concentrait sur ses entraînements en vue de préparer le prochain championnat. Du fait du départ de Quenock Jones, l'équipe devait se surpasser pour avoir une chance de gagner la coupe. De son côté, il fut réquisitionné sur une affaire menée par Hilliard Obday et Clancy Pilgrim qui enquêtait sur un trafic de produits hallucinogènes. Il fallut filer les suspects des heures durant et Harry profita de ses missions pour mettre au point plusieurs têtes de remplacement. À leur grande satisfaction, ils arrivèrent finalement à faire tomber une bonne partie du réseau. Ensuite, Harry et Pritchard durent surveiller un individu qu'une lettre anonyme désignait comme « mage noir ». En 3 semaines, ils ne découvrirent rien, laissant supposer que le courrier contenait une information fiable. Ils soupçonnèrent d'ailleurs un voisin d'en avoir été l'auteur, par pure malveillance, car leur enquête de proximité mit à jour une forte animosité entre les deux sorciers. Les Aurores furent assez agacées d'avoir perdu leur temps et celui de leurs collègues, une surveillance constante impliquant la mobilisation de plusieurs équipes. « Ça fait partie du métier », expliqua Pritchard à Harry. « C'est triste de le constater, » mais ce genre d'accusation nous permet plusieurs arrestations par an, alors on ne peut pas les négliger. Un soir, à la mi-mars, Harry était rentré chez lui depuis une demi-heure et s'apprêtait à se mettre à table avec Ginny quand sa gourmette de communication chauffa contre son poignet. Le code simplifié lui enjoignait de cheminer sans délai aux coordonnées précisées. « Je dois y aller, » indiqua-t-il à sa femme. « Ne m'attends pas pour dîner. » À titre de précaution, il rafla un morceau de pain et un fruit sur le buffet de la cuisine avant de plonger dans l'âtre. Quand il parvint à destination, une main secourable débloqua rapidement la sortie de la cheminée. Il reconnut un des membres de la police magique. « Agent Radford, » se présenta le planton. « Bonsoir, » lui dit civilement Harry, « Aurore Potter. »« Si vous voulez bien avancer, » lui demanda timidement son interlocuteur, « nous attendons d'autres arrivées. » Harry se poussa juste à temps pour laisser la place à Pritchard qui déboulait par le même chemin que lui. « Le brigadier Truston devrait bientôt venir vous mettre au courant, » précisa Radford qui ne semblait n'avoir d'autorité que pour débloquer la cheminée. Harry regarda autour de lui. Ils étaient dans un hangar où plusieurs dizaines de caisses oblongues étaient entreposées. Il s'approcha et déchiffra sur une planche de bois « Compagnie Nimbus ». Ils étaient manifestement dans la fabrique du prestigieux créateur de ballets. Il ne savait pas ce que lui réservait cette enquête, mais il se dit qu'il glanerait peut-être des informations qui ne se trouvaient pas dans Ballet Magazine sur le prochain modèle de l'illustre fabricant. Avec un peu de chance, il pourrait même voir comment on assemblait ses mécaniques. Gardant ses espoirs secrets pour lui, il suivit Pritchard qui s'était approché de la porte donnant sur l'extérieur. 5 à 6 personnes se tenaient serrées les unes contre les autres dans une cour pavée, parlant bas. 2 individus restaient à l'écart. Une silhouette se détacha du groupe principal et avança vers eux d'un pas vif. « Bonsoir, messieurs les Aurores. Merci d'être venus aussi vite. » Harry connaissait de vue le brigadier Truston, l'ayant déjà croisé au Magen Mago alors qu'il attendait que son affaire soit appelée. Le policier entreprit de leur expliquer la situation sans délai. « C'est moi qui vous ai fait prévenir, » commença-t-il. « L'atelier que voici ?» Il montra du doigt un tas informe qui se dressait à une 20aine de mètres d'eux. « S'est effondré vers 19h. » Mrs. Whitehorn, qui travaillait dans les bureaux, il désigna un autre bâtiment, était sur place et a appelé son fils Quentin. Celui-ci a décidé de faire dégager les décombres par ses employés. Quand ils ont retrouvé la dépouille de Devlin Whitehorn, le propriétaire des lieux, ils ont averti mon service. C'est moi qui ai reçu l'appel. J'ai immédiatement alerté Sainte-Mangouste et le département des Aurores. En attendant votre arrivée, je suis venu pour faire une première estimation et préserver le site. J'ai également demandé du monde pour terminer le travail de déblayage. Le médico est déjà là. Il a confirmé le décès, mais ne peut commencer les premières constatations tant que le corps reste partiellement enseveli. J'ai appelé du renfort pour procéder au dégagement. Excellente initiative, le félicita Pritchard. Harry regarda en direction de la cheminée d'arrivée. 4 agents avaient rejoint celui qui les avait accueillis. J'ai également pris l'identité des personnes présentes, ajouta Truston, plein de zèle. 5 employés, l'épouse de la victime et son fils. Merci beaucoup, fit le partenaire de Harry en consultant la liste qu'on lui tendait. Je pense que nous allons commencer par examiner les lieux. Je vous y conduis, s'empressa le brigadier. Radford, interpella-t-il. Si tout le monde est arrivé, va surveiller les personnes dehors et fais en sorte qu'elles restent là. Les autres, suivez-nous. La petite troupe se transporta vers le bâtiment mal en point. Des globes lumineux flottaient paresseusement dans les airs. Harry se demanda s'il les devait également à l'initiative du brigadier. En baissant les yeux, il découvrit un enchevêtrement de bois, de métal, de briques et matériaux divers. Un médicommage que Harry avait déjà croisé lors d'enquêtes précédentes patientait à côté des ruines. Il les salua de la tête. « Si vous pouviez faire en sorte de dégager les lieux pour que je puisse l'examiner, je pourrais peut-être rentrer chez moi avant l'aube. »« J'ai préféré vous attendre avant de bouger quoi que ce soit, » expliqua Thruston à Pritchard, légèrement sur la défensive. « Mais mon équipe est prête à intervenir. » « C'est parfait, » fit le partenaire de Harry d'un ton apaisant. « On va commencer tout de suite en faisant attention de laisser les matériaux en l'état. « Potter, je m'occupe de superviser cette opération. Toi, tu vas interroger les témoins. »« Je peux vous seconder, » s'empressa de proposer Thruston. Harry vit son coéquipier hésiter. Entre leurs deux services existait une rivalité qui datait de la formation du corps prestigieux des Aurores et chacun était très jaloux de ses prérogatives. La présence d'un mort faisait entrer l'affaire en cours dans les compétences des Aurores, mais il n'était pas rare que ceux-ci fassent appel aux archives de la police magique pour se renseigner sur les témoins. « Avec plaisir, » finit par dire Pritchard, qui avait dû estimer que la coopération avec le brigadier pouvait leur être profitable. « Je vous laisse aller avec mon partenaire. » Harry lui sourit pour lui montrer qu'il n'y voyait aucun inconvénient et se dirigea en sa compagnie vers les personnes qui les attendaient patiemment sous la surveillance de l'agent Radford. Harry balaya des yeux l'assistance. La veuve, effondrée dans les bras de son fils, et les ouvriers parmi lesquels il reconnut Cathy Bell, pâle et triste. Malgré la cape qu'il avait prise au vol avant de partir, il frissonna. « Bonsoir Cathy, est-ce que tout le monde tiendrait dans les bureaux ?»« Oui. » « Il y a une grande salle où on mange et qui sert aussi pour les réunions, » le renseigna-t-elle d'une voix tremblante. « Si vous voulez bien, allons tous nous mettre à l'abri, » proposa-t-il en haussant le ton. Ils obéirent et se dirigèrent vers l'endroit indiqué, toujours sous la surveillance de l'agent Radford. Tout en avançant, Harry réfléchit à la manière de s'y prendre. Le mieux était de commencer par récupérer le témoignage des employés et de réserver l'interrogatoire de la famille pour la fin, car ce serait le plus long. « Qui était ici quand le bâtiment s'est effondré ?» demanda Harry une fois tout le monde installé avec soulagement autour de la grande table. « Ma mère, » dit Quentin Whitehorn. « Je suis arrivée après. »« Moi aussi j'étais là, » dit un ouvrier au visage taillé à la serpe. « J'étais dans l'entrepôt. » Harry se fit confirmer que l'homme parlait du hangar dans lequel se trouvait la cheminée d'arrivée avant de poursuivre. « Je vais essayer de déterminer avec le plus de précision possible ce qui s'est passé, » indiqua-t-il. « Vous allez venir les uns après les autres me raconter ce que vous avez vu ou fait. »« Est-ce indispensable ?» demanda le fils. « Nous sommes choqués, épuisés, et c'est manifestement un accident. La poutre qui soutenait le toit a dû céder. »« Je suis navré de vous infliger cela, » s'excusa Harry, « mais c'est la procédure. » Le fils sembla vouloir répliquer, mais Harry se souvint qu'il était l'Aurore et qu'il n'avait pas à se justifier. Il reprit aussitôt la parole et s'adressa à l'ouvrier qui avait indiqué avoir été présent. « Monsieur, voulez-vous bien me suivre ?» L'homme regarda le fils de son patron. Comme celui-ci ne lui donnait pas d'instructions contraires, il se leva pour obéir à Harry. Le jeune Aurore le précéda dans un bureau qu'il avait repéré en entrant et s'installa derrière la large table de travail. Le brigadier les accompagna après avoir fait signe à l'agent Radford de rester avec les autres. « C'est chez la patronne ici, » leur apprit leur témoin. Harry laissa errer son regard sur les livres de comptes et les factures soigneusement classées, avant de reporter son attention sur l'homme qui lui faisait face. Il avait une trogne colorée et usée, comme s'il passait beaucoup de temps dehors ou que la vie l'avait malmené. Ses yeux étaient rouges et il avait les mains crispées sur ses genoux, semblant vouloir les empêcher de trembler. « Votre nom, s'il vous plaît ?»« Burt Kettridge. » « Bien, monsieur Kettridge, nous vous écoutons. » Il prit une profonde inspiration, puis se lança. « J'étais dans l'entrepôt en train de préparer les commandes pour demain, quand j'ai entendu un grand bruit. Je suis sorti en courant et j'ai vu un nuage de poussière à la place de l'atelier. Il a fallu plusieurs secondes pour qu'on réalise ce qui s'était réellement passé. Madame était sortie de son bureau. Elle m'a demandé si j'avais vu partir le patron et j'ai dit que non. Elle a commencé à le chercher partout et j'ai fini par lui conseiller d'appeler monsieur Quentin. « À mon avis, il n'a rien dû comprendre, mais il est venu tout de suite. Je lui ai expliqué. Il nous a dit de ne pas paniquer, que le patron était peut-être déjà rentré chez lui, mais je pense qu'il n'y croyait pas, car normalement, la patronne, elle sait quand il part avant elle. Monsieur Quentin a dit qu'il fallait dégager l'atelier pour pouvoir travailler demain, mais j'ai bien compris que c'était un prétexte pour savoir si le patron était en dessous. En tout cas, il a rappelé tout le monde par cheminée et on s'est mis au travail. C'est la petite belle qui l'a trouvée. Enfin, on ne lui voyait que la main. Elle a hurlé, mais elle s'est calmée assez vite. Elle a lancé un sort et a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Et ensuite, l'encouragea Harry qui notait rapidement sur son carnet. J'aurais cru que la patronne allait s'effondrer ou faire une crise de nerfs, mais elle est restée immobile. Elle a dit qu'il fallait aller chercher du secours. Monsieur Quentin m'a fait signe et je suis allée appeler la police. J'avais compris que c'était trop tard pour Sainte-Mangouste. Après, il est arrivé, conclut Kettridge en montrant le brigadier. C'est lui qui m'a débloqué la cheminée, confirma Truston. Avez-vous remarqué des éléments indiquant que ce bâtiment présentait des faiblesses? Demanda Harry. Des fissures, des craquements suspects, une inondation ou une humidité anormale? Rien de tout cela. En plus, le toit a été refait l'été dernier. Le patron prenait toujours bien soin de son exploitation. Il disait qu'on ne peut pas fabriquer des objets fiables dans un environnement ou avec des outils qui ne le sont pas. Savez-vous qui a procédé à la réfection de la charpente? Questionna Harry. Ça doit être dans les papiers de la patronne. Mais je suis certain que ça a été fait correctement. Le patron avait lui-même tout inspecté avant de payer la note. Sa phrase préférée était « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Et je peux vous dire que pour contrôler, il contrôlait. Pas un baleine sort d'ici sans qu'il l'ait lui-même testé. Ginny avait déjà parlé de Devlin Whithorn à Harry. Manifestement, l'affirmation selon laquelle le créateur de baleines ne ratait pas une occasion de voler était fondée. Avez-vous vu des personnes dans la cour qui n'avaient rien à y faire ou ayant un comportement bizarre aujourd'hui? Non, pas spécialement. Et les jours précédents? Je ne vois pas. Mais je ne passe pas mon temps à surveiller dehors. Je travaille quand je suis ici. L'homme regarda Harry dans les yeux comme pour le défier de prétendre le contraire. Y a-t-il des protections pour empêcher les gens de venir sur le périmètre? On a accès à la cour en cheminée ou par transplanage. On est supposé fermer à clé l'atelier et la réserve quand on n'y est pas, mais en pratique, ça reste ouvert toute la journée. Les bureaux, par contre, sont verrouillés quand il n'y a personne pour surveiller. Vous comprenez, il y a des secrets de fabrication à préserver. J'imagine que la cheminée a un minimum de protection. Bien entendu, seuls les patrons et nous, les employés, pouvons arriver par là sans avoir à attendre qu'on nous débloque. Mais si on vient par transplanage, il n'est pas très difficile d'avoir accès à l'atelier, intervint Truston. Il y a souvent du monde dans la cour, alors faut pas faire n'importe quoi non plus. Personne n'est jamais reparti avec un balai sans le payer. Harry regarda le brigadier qui secoua la tête. Il n'avait pas d'autres questions à poser. Nous vous remercions, monsieur Kettridge. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous apprécierons que vous ne quittiez pas le pays ces prochains jours. Je dois travailler ici demain, répondit simplement l'ouvrier. L'homme se leva et quitta les lieux. Harry s'avança vers la pièce où les autres étaient réunis, attendant leur tour. Il vit qu'ils avaient pris l'initiative de faire du thé et que tout le monde avait été servi, y compris l'agent Radford, qui eut l'air embarrassé quand le regard de Harry se posa sur lui. Cathy Bell, appela l'Aurore. Elle but précipitamment une gorgée de sa tasse avant de venir vers lui. Il la fit entrer dans la pièce qu'il avait annexée et se réinstalla derrière le bureau. Dommage qu'on se revoie dans ces circonstances, remarqua Harry. Comment te sens-tu? Et toi, Ginny? Nous allons bien. Il faudra que tu passes nous voir, enfin, quand cette histoire sera terminée, ajouta-t-il par conscience professionnelle. Harry décida qu'il était temps de revenir à un entretien plus orthodoxe. Il jeta un bref regard vers le brigadier qui n'avait pas perdu une miette de leur dialogue et demanda: Où étais-tu au moment du drame? Chez moi. J'ai terminé à 5h30, comme tout le monde. Je suis revenu quand Quentin m'a appelé par cheminée en me disant que l'atelier s'était effondré et qu'il fallait venir aider à le déblayer. Je ne savais pas que le patron était là-dessous. Ça m'a fait un choc de voir. Elle s'interrompit, laissant à Harry et son assistant le soin de terminer la phrase pour elle. Il paraît que tu as jeté un sort sur lui. Lequel était-ce? Continua Harry. Pulsum contre l'homme, tu connais? Oui, pour prendre le pouls de quelqu'un, se souvint Harry, qui avait eu des cours de secourisme durant sa première année chez les Aurores. C'est Tonks qui nous l'a appris pendant la guerre. Elle disait que son formateur affirmait qu'il fallait toujours le jeter sur un ennemi qu'on pensait être mort, pour être sûr de ne pas laisser un adversaire vivant derrière nous. Harry retint un sourire nostalgique. Avoir été formé par Maugrey devait avoir laissé des traces. Elle et Shacklebolt nous ont appris plein de trucs pour combattre les mange-morts, continua Cathy comme soulagée de parler d'autre chose que les récents événements. Il venait quand il pouvait à nos réunions. George t'a raconté? On se voyait régulièrement dans une forêt dans le nord. Ça nous permettait de nous passer les nouvelles et on s'entraînait à se battre. On a eu des cours avec le professeur Lupin aussi. Harry réalisa qu'il ignorait ce que ses connaissances avaient fait pendant que lui-même sillonnait le pays en compagnie de Ron et Hermione. Il n'osait pas le demander à ses camarades, car il ne souhaitait pas être obligé de leur révéler ses propres agissements durant cette période. Quant à ceux dont il était moins proche, il préférait ne pas savoir. Tout le monde n'était pas fait de l'étoffe des héros. « Donc tu as vérifié qu'on ne pouvait plus rien pour lui », résuma-t-il pour revenir à leur sujet de départ. « Il n'avait pas de pouls. Quentin aurait dû nous expliquer. On aurait travaillé plus vite. Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. » Cathy, plusieurs tonnes lui sont tombées dessus. Il est sans doute mort sur le coup, lui dit doucement Harry. « J'espère pour lui, » dit-elle tout bas. « C'est déjà assez moche comme ça. » Il se sentit touché par sa tristesse et sa culpabilité, mais il devait mener à bien son enquête. « As-tu vu des personnes étrangères à la compagnie dans la cour aujourd'hui ou ces derniers jours ?»« Le patron a reçu un visiteur hier, mais c'est tout. »« Tu sais son nom ?»« Oui, Archie Alderton du magasin Répar Rapide, le réparateur de balais. »« Il devait être là pour faire une commande de pièces détachées, il vient 3 ou 4 fois par an. »« Personne d'autre ?» demanda Harry en notant les informations. « Je ne crois pas, mais tu sais, quand je suis dans mes plans, je ne vois pas tout ce qui passe. »« Bien. » À moins que tu aies une idée de ce qui a pu faire tomber ce toit, je pense qu'on a fini. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. L'atelier a été rénové il y a quelques mois et le patron avait tout vérifié. Il disait toujours « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Quand elle sortit, elle leur proposa du thé que Harry accepta avec gratitude. Il en apporta une tasse pour son assistant et ils le burent en interrogeant les autres employés. Ils ne firent que confirmer ce qui avait été indiqué avant. Tous semblaient apprécier leur ancien patron malgré, ou peut-être à cause, de la confiance contrôlée qu'il avait en eux. Avant de s'entretenir avec la famille du défunt, Harry s'accorda une courte pause. Il partagea avec le brigadier les quelques provisions qu'il avait eu le flair d'emporter, puis envoya le policier aux nouvelles auprès de Pritchard. Il revint en disant que le corps était dégagé et que son partenaire et le guérisseur commençaient les examens habituels. Harry songea que, même s'il devait se faire violence pour importuner ces gens affligés avec ces questions, c'est dehors que s'effectuait la partie la plus pénible de cette mission. Il étira ses membres lasses et se força à s'extraire de son fauteuil pour demander à la veuve de le rejoindre. Le fils voulut l'accompagner. « Je suis désolé, monsieur, une personne à la fois », indiqua Harry à qui la fatigue faisait perdre patience. « Nous venons de perdre mon père et vous nous traitez comme des criminels !» protesta Quentin Whitehorn. « Monsieur, nous tentons simplement de savoir ce qui s'est passé », intervint le brigadier qui avait sans doute davantage d'expérience que Harry dans la gestion des récalcitrants. « Nous sommes désolés de l'épreuve supplémentaire que cela représente pour vous, mais nous avons des procédures à respecter. »« Ça ira », trancha Mrs. Whitehorn. « Ils essaient de nous aider. » Son fils ne parut pas convaincu, mais se rassit sans un mot. « Après vous, madame », en profita Harry qui la pilota vers sa salle d'interrogatoire improvisée. En chemin, il l'examina discrètement. Elle avait la cinquantaine, les cheveux châtain clair remontés en chignon. Malgré sa figure figée par le chagrin et ses yeux injectés de sang, on pouvait voir que c'était une belle femme, aux traits finement sculptés. Quand elle entra dans la pièce, elle se dirigea vers son bureau et s'assit derrière, à la place que Harry s'était dévolue. L'Aurore échangea un regard avec le brigadier qui haussa discrètement les épaules. Harry se rabattit sur un des fauteuils des visiteurs. « J'étais ici même quand c'est arrivé, » commença-t-elle sans attendre les questions. « À cette place, en train d'établir une commande pour renouveler les lames d'une de nos scies. Je suppose que c'est une scie complète qu'il faut que je commande maintenant. » Elle resta un moment le regard dans le vide. Harry n'osa pas la relancer. La femme était manifestement en état de choc. Dans un sens, il préférait cela à une crise de larmes. « J'ai entendu un grand bruit, » reprit-elle. « Bien entendu, je me suis précipitée pour voir ce qui se passait. À la place de l'atelier, il n'y avait que des ruines et un nuage de poussière. J'ai regardé autour de moi pour chercher mon mari et qu'il nous donne ses instructions, mais il n'était pas là. J'ai tenté de me rappeler où il aurait pu aller pour le prévenir, mais rien ne me revenait à l'esprit. Je suis repassée ici pour consulter le carnet de rendez-vous, mais il n'y avait rien d'indiqué pour ce soir. Elle tendit la main, récupéra un cahier posé sur le coin de son bureau et l'ouvrit à la page du jour. Un nom était noté pour le matin, mais il n'y avait effectivement rien de prévu ensuite. Là, j'ai commencé à paniquer et je l'ai cherché dans les autres bureaux et dans la réserve. Mais je savais que cela ne servait à rien. Il serait venu s'il avait été ici. À un moment, Burt m'a suggéré d'appeler Quentin. C'est ce que j'ai fait. Il a dit qu'il fallait dégager l'atelier et a rappelé tout le personnel. C'est Cathy qui a... Elle se tut, les lèvres serrées comme pour s'empêcher de craquer. Avez-vous vu une personne ayant une attitude suspecte autour de l'atelier cet après-midi? Elle le regarda, effarée. Vous ne pensez tout de même pas que c'est volontaire? On nous a indiqué que l'atelier avait été rénové cet été. À moins d'une malfaçon, il est étrange que le toit ait cédé, se justifia Harry. Il n'y a pas eu de malfaçon. Devlin a tout vérifié. Il dit toujours. Elle s'interrompit, réalisant qu'elle devrait désormais mettre ses phrases au passé quand elle évoquerait son mari. Mais ni Harry ni le brigadier n'avaient besoin qu'on leur précise ce que le défunt avait coutume de répéter. Oh Merlin, réagit la veuve. Mais c'est abominable. Qui pourrait vouloir une chose pareille? C'est peut-être un accident, tempéra le policier. Un sort qui a abîmé la structure du bâtiment. Elle secoua silencieusement la tête, comme assommée. Nous allons parler à votre fils et ce sera tout pour ce soir, dit doucement Harry. Nous vous remercions de votre coopération. Mes plus sincères condoléances, ajouta-t-il en se disant qu'il aurait peut-être dû commencer par là. Elle mit plusieurs secondes à réagir, puis se leva avec des gestes saccadés. « Brigadier, pouvez-vous la raccompagner dans l'autre pièce et faire venir Mr. Whitehorn ?» Pendant que Truston s'exécutait, Harry jeta quelques sorts sur le carnet de rendez-vous pour vérifier qu'aucune note n'y avait été effacée. Le papier resta vierge. Quand le policier revint avec leur dernier témoin, Harry vit que ce ne serait pas facile. L'homme avait une trentaine d'années. Il ressemblait beaucoup à sa mère, dont il avait les cheveux clairs et les traits fins. Il paraissait fatigué et furieux. Il fixa longuement Harry, qui se dit qu'il ne devait qu'à son statut de survivant de ne pas entendre la diatribe que l'autre bouillait de lui servir. « J'espère que vous avez une bonne raison de nous faire subir tout cela, » grinça-t-il simplement entre ses dents. Harry faillit lui ordonner de s'asseoir, mais il se souvint que Quentin Whitehorn venait de perdre son père. Le jeune Aurore décida qu'il méritait mieux que de se voir opposer la procédure une fois de plus. Un toit tout juste rénové s'est écroulé subitement, exposa-t-il d'un ton neutre. Je ne pense pas que nous pouvons repartir d'ici sans chercher à comprendre comment cela a pu se produire. Maintenant, si vous voulez bien répondre à nos questions, vous pourrez plus rapidement ramener votre mère chez elle. La colère s'éteignit peu à peu dans le regard du fils de la victime, remplacé par une grande fatigue. Il se laissa tomber sur le siège qu'on lui avait proposé plus tôt mais qu'il avait dédaigné, et il dit ce qu'il savait. J'étais chez moi quand ma mère m'a appelé par cheminée et l'air affolé. Je n'ai rien compris à ses explications, mais il était évident que quelque chose de grave était arrivé et je l'ai rejoint immédiatement. Kettridge a été un peu plus clair et la possibilité d'un drame m'est venue à l'esprit. On y pensait tous les trois, je suppose. Il fallait qu'on en ait le cœur net et j'ai rappelé le personnel pour qu'il nous aide. Vous n'avez pas essayé de vérifier si votre père n'était pas ailleurs? Ma mère sait toujours où il est. Il veut qu'on puisse le joindre rapidement en cas de problème. Il aimait tout contrôler par lui-même. La confiance n'exclut pas le contrôle, glissa Harry. Je vois que vous êtes déjà au courant. À la lassitude s'ajouta le désespoir. Mais comment on va faire sans lui? Murmura-t-il. Ni Harry ni le brigadier Truston ne lui répondirent. Le jeune Aurore laissa passer un moment avant de demander. Vous n'avez remarqué personne ayant une attitude suspecte autour de l'atelier ces derniers jours? Whitehorn secoua la tête. Je n'ai pas été très présent cette semaine. Je m'occupe de superviser les achats et je suis souvent par monts et par veaux pour choisir les bois, les branchages et tous les autres matériaux que nous utilisons. Il ferma les yeux, écrasé par la charge qui venait d'atterrir sur ses épaules. Nous vous remercions, Mr. Whitehorn. Je pense que nous en avons terminé pour ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous. Ils se levèrent et retournèrent dans la grande pièce où la veuve était en train de ranger les tasses à thé, assistée de l'agent Radford. « Nous rentrons, maman, » lui dit son fils. « Tu veux bien faire le tour pour tout fermer ?»« Inutile, » intervint le brigadier. « Nous n'avons pas complètement terminé. Quand nous partirons, nous laisserons quelqu'un en faction jusqu'à votre retour. » « Que va-t-il se passer pour mon père ?» demanda Whitehorn. « Dès que ce sera possible, nous vous le rendrons, » lui assura Truston sans préciser qu'il serait peut-être envoyé à Sainte-Mangouste auparavant. Trop épuisés pour s'inquiéter davantage, la mère et le fils sortirent et se dirigèrent vers l'entrepôt et la cheminée, en compagnie de l'Aurore et des deux policiers. À mi-chemin, Mrs. Whitehorn bifurqua vers ce qui restait de l'atelier. Harry, qui était 2 mètres derrière elle, pressa le pas pour l'intercepter, mais son coéquipier se détacha du groupe d'agents et vint à sa rencontre. « Aurore Pritchard, madame, » se présenta-t-il, « je vous prie de recevoir mes condoléances. Je ne peux pas vous laisser aller plus loin. » « Je veux voir mon mari. Demain, » répondit fermement Pritchard. « Nous allons appeler les pompes funèbres pour prendre soin de lui. »« Ce sera mieux, » assura-t-il, et Harry préféra ne pas imaginer ce qu'ils avaient découvert sous le monceau de bois et de pierres. « Un étui à balai, » intervint le fils. « Pardon ?» le fit répéter Pritchard. « Mon père voulait être enterré dans un étui à balai. Nous en avons dans l'entrepôt. Si cela ne va pas, nous en construirons un pour lui demain. » « Nous ferons le nécessaire, » affirma Pritchard sans laisser paraître le moindre étonnement devant cette requête inhabituelle. Whitehorn prit le bras de sa mère et la conduisit lentement vers le bâtiment où se trouvait la cheminée. Quand ils se retrouvèrent entre eux, Harry demanda « Où en êtes-vous ? » « On l'a dégagé. Le médico est en train de l'examiner sur place. Vu son état, on va éviter de le transporter de droite à gauche. Je pense qu'il nous faudra 2 bonnes heures pour effectuer toutes les vérifications nécessaires. » J'ai déjà déterminé qu'il avait sa baguette dans sa poche et qu'il n'a pas subi les sorts d'immobilisation les plus courants. Il marqua une pause, lui aussi épuisé. « On a encore du travail, » continua-t-il. « Vous avez tiré quelque chose de votre côté ?» Harry fit un résumé de ce que lui avaient raconté les témoins. « Aucune contradiction, » conclut-il. « On pourra savoir qui est officiellement venu ici ces derniers jours en examinant le carnet de rendez-vous. »« On va regarder les comptes aussi, » décida Pritchard. « Ce serait bien de le faire tout de suite avant que le fils et la veuve ne nous demandent de justifier cette démarche. »« Il y a pas mal de chances que ce soit un simple accident. »« Avec un toit tout neuf ?» souleva Harry. « Pour le moment, c'est le seul indice que nous ayons contredisant cette thèse, » reconnut Pritchard. « Et même neuf, il peut y avoir eu malfaçon. Je sais qu'il a vérifié, mais c'était un fabricant de balais, pas un charpentier. »« J'ai une certaine expérience des livres de compte, » fit remarquer le brigadier Truston qui avait attentivement suivi la conversation. Le partenaire de Harry prit le temps de réfléchir et accepta. « Très bien. Retournez dans le bureau et mettez de côté tout ce que vous pensez utile pour analyser si les finances de la société étaient saines pour, disons, les 6 derniers mois. Récupérez l'agenda ainsi que le courrier le plus récent si vous le trouvez. Potter, tu me feras une liste de tout ça. » La consigne était claire. La police magique travaillerait sous la supervision des Aurores. Truston laissa échapper une petite grimace d'agacement. « La confiance n'exclut pas le contrôle, »